Pour moi, il n'y a plus de secret. Je suis le roi des rois. Explosez le dimanche, pulvérisez. et l'audience. Et qu'est-ce que vous croyez, c'est ma voix, c'est ma chance. J'adore les émissions à la télévision. Pas le temps de regarder, mais c'est moi qui les fais. On crache la nourriture à ses yeux affamés. Vous voyez qu'il demande, nous les savons avides de notre pourriture. Mieux que de la confiture à des cochons. Bauman sentit le premier souffle qui l'entraînait. Au second, il eut du mal à se maintenir au sol. L'atmosphère se ruait hors du vaisseau pour jaillir dans l'espace. Il devait être arrivé quelque chose au dispositif de sécurité du SAS. En principe, il était impossible que toutes les portes s'ouvrent au même instant. Mais l'impossible s'était produit. Comment, grand Dieu ? Il n'avait guère le temps d'y réfléchir durant les 10 ou 15 secondes de conscience qui lui restaient avant que la pression soit nulle. Des fois je me dis, je vais voyager, souvent j'ai envie de rester là, souvent j'ai envie de t'embrasser, c'est rare quand je souhaite que tu sois pas là. Elle est vieille, mon histoire, je suis pas le premier à penser ça, et rien à foutre. Tu sais quoi, on va quand même faire comme ça. On va cracher nos souhaits, on va donner de la voix. Et toi, donne-moi, donne. C'est pas facile de savoir pourquoi. Pas facile, pas possible de compter sur soi. C'est pas facile de savoir pourquoi. Pas facile, pas possible de compter sur soi. Quand dans la rue je te donne mes yeux pour que tu vois, tu me donnes tes mains pour recevoir. À dire qu'on est un peu radin, faudrait se donner un peu d'espoir. Arrêtons là, tu veux bien, laisse-moi me rincer près du lavoir. Y a plus de raison de se faire croire, on n'est pas vieux, amoureux, on reste seul le soir. Et toi donne-moi, donne. C'est pas facile de savoir pourquoi. Pas facile, pas possible de compter sur soi. C'est pas facile de savoir pourquoi. Pas facile, pas possible de compter sur soi. Des fois je me dis, je vais voyager. Souvent j'ai envie de rester là, souvent j'ai envie de t'embrasser. C'est rare quand je souhaite que tu sois pas là. Elle est vieille, mon histoire, je suis pas le premier à penser ça. Et j'en ai rien à foutre, tu sais quoi. On va quand même faire comme ça. On va cracher nos souhaits, on va donner de la voix. Et toi donne-moi, donne. C'est pas facile de savoir pourquoi. C'est pas facile de savoir pourquoi. Non, non, c'est pas facile. Savoir pourquoi. Non, non, c'est pas facile de savoir pourquoi. Buffalo song.

Mais il se souvint tout à coup de ce que lui avait dit une fois l'un des constructeurs de l'astronef, alors qu'ils discutaient des systèmes d'urgence. Nous pouvons mettre au point des systèmes contre les accidents ou la stupidité, mais pas contre la malveillance délibérée. Les blanches fraîches le matin, ouais, les douces tendres, les sereines, ouais, les excellentes. Oh, ouais, dis ce soir, allez, on va danser ce soir au matin, coucher, ouais, les désespérantes. Oh, elle dit toujours bonjour comme ça, ou elle dit toujours au revoir comme ça, ou elle dit toujours je vois ça, ça, ça, ou elle est fatigante. Voilà de la suite dans les idées, soudain, ou elle te dit bonsoir, à demain. Mais quand elle danse, une belle franche, une reine. Oh, elle est pour moi, tout ça pour moi. Qui danse autour de moi. Et pourtant, ouais, elle dit toujours bonjour comme ça, ouais, elle dit toujours au revoir comme ça, ouais, elle dit toujours je veux ça, ça, ça, ouais, elle est fatigante. Oh, elle est pour moi. Je veux ça, ça, ça, elle est fatigante. Fatigante, intelligente, intéressante. Elle est pour moi. Intelligente, intéressante, attirante. Fatigante. Elle est pour moi. Souriante, intelligente, rassurante. Excellente. Elle est pour moi. Désespérante. Ce que la nuit je garde pour moi. luttant pour sortir de l'habitacle, il regarda une dernière fois Whitehead. Il ne pouvait être certain qu'un éclair de conscience fût apparu sur les traits cireux. Peut-être un œil s'était-il entrouvert, mais il ne pouvait plus rien faire désormais pour Whitehead ou pour les autres. Il devait se sauver lui-même. De l'imposture, on a ceux qui parlent de ce qu'ils font, ça c'est dur. Avec ceux qui sont nés pour faire ça, c'est sûr, c'est cela qui nous mène la vie dure. Dans le même style de l'imposteur, on a ceux qui pensent avoir du cœur, une tête, une âme de voyageur. Et trop de mélange, ça c'est des couleurs. Chantera souvent, fait à toute heure charlatan. Je pense tout ça être à l'image de vous, de notre grand cinéma. Mourir d'amour, je veux dire, oh, c'était pas pour vous fuir, juste un mot pour vous dire, c'était pas pour vous. Mourir d'amour, je veux dire, c'était pas pour vous fuir, juste un mot pour vous dire, c'était pas pour vous. On a ceux qui parlent de ce qu'ils font, ça c'est dur. Avec ceux qui sont nés pour faire ça, c'est sûr, c'est cela qui nous mène la vie dure. Dans le même style de l'imposteur, on a ceux qui pensent avoir du cœur, une tête, une âme de voyageur. Et trop de mélange, ça c'est les couleurs. Le moi grand chantera souvent, en fait à toute heure, charlatan. Je pense tout ça être à l'image de vous, de notre grand cinéma. Set up.

cabin low, he left all the others and went to look for you. Yes, and he will find you, and with bruised hands he will unbind you, bring you out here into the light of day. He promised it all. Fire for the ghetto black, yeah. The dark and unhindered. He knew it not what to fight. Oh, now I'll tell you a song. Stand with me, mother, as we wait for the master's voice and hear that way together. Thank you.

to the null and void he shoots. The man at the center of the motorcade has learned to tie his boots. Null and void he sees the man at the center of the motorcade can choose between coffee and tea. In the boulevard the monarchy holds sway. In the boulevard même ainsi, si la recompression était judicieusement appliquée, il pourrait se remettre d'un séjour d'une ou deux minutes dans le vide total. Il fallait un certain temps avant que les liquides internes se mettent à bouillir dans les vaisseaux dûment protégés. L'exposition maximale au vide était de 5 minutes environ. Gentil, tu dis que je suis tout le temps gentil, tu disparais, réapparais. Putain, faudrait savoir. Et là, j'en perds la mémoire. Et savoir qui est la plus belle de vous deux. Savoir qui est la plus belle de moi. Elle est amoureuse, savoir. Et là, j'en perds la mémoire. Et savoir qui est la plus belle de vous deux. Savoir qui est la plus belle de moi. Elle est amoureuse, savoir. Et là j'en perds la mémoire. Amour, my time with everyone. I have very bad posture. lives. Cherry flavored antacids. Yeah. Ce record n'avait pas été enregistré lors d'une expérience, mais à l'occasion d'un sauvetage réel, et bien que le sujet eût été en partie paralysé par une embolie, il avait survécu. Mais cela n'était donc qu'un secours à Baumann. Il ne se trouverait personne à bord d'Astronef pour le placer en chambre de recompression. Il devait absolument se mettre à l'abri dans les quelques secondes suivantes et sans aide. Je t'aime à reculons. Demain je pars pour Londres. Demain il faut croire je vole. Et je me moque que tu m'aies pas regardé. Et je me moque que tu m'aies pas regardé. Ce soir sur moi t'as posé les yeux.

Heureusement, la progression devenait plus facile. L'air ténu ne pouvait plus agir sur lui, ni le bombarder de projectiles. Les lettres jaunes, au tournant du couloir, annonçaient abri d'urgence, et il trébucha dans cette direction, agrippa la poignée et tira la porte à lui. Pendant un horrible instant, il pensa qu'elle était bloquée, puis les charnières roidissaient d'air, et il tomba à l'intérieur, pesant de tout son corps pour repousser le bâton. Thank you. than the place I've always been. So let me tell you now, oh yeah, you better stop your crying. You should feel him so damn happy. You try to make me feel like dying. Oh yeah, you better stop your crying. Cause the tears are running down your face and you'll make me feel like dying. Oh yeah. Well, I guess I never wanted to crash in the wave of your emotions. I walked away from all of the trash looking for a perfect ocean. Lately I've been finding myself fighting upward in the stream. Who could tell that I'm living in hell? Lord, I must be dreaming. Oh yeah, you better stop your crying, cause I don't listen to you. L'heure, s'il vous plaît, je suis là pour l'appartement. Moi j'investis dans l'immobilier. Je prends des engagements, je voudrais connaître le prix. Je voudrais savoir le confort, comme on dit. J'en ai envie, je veux plus habiter au port. Là, sourire de dépression, ça c'est con. Quand ça vous prend là, ça vous colle au corps, ça vous gratte partout tout le temps. Et vous, est-ce que vous avez le temps de prendre un café au port? C'est là que j'habite vraiment, et tant pis pour le confort là-bas. Vous avez l'heure, s'il vous plaît, je suis là pour l'appartement. Moi j'investis dans l'immobilier.